Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie, de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Des wagons bondés me rendent insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me tend des haul-coeurs. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barque. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste et nous voilà partis. Acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos appels à l'aise sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Une histoire me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».